et la famille est toujours une deuxième chance. Pense à toi, comment? Pense à moi, la raison que tu as le courage à confronter tes craintes. Ne pleure pas, baby girl, ne perds pas l'espoir. Sweet et l'arme, il y a toujours une deuxième chance. Pense à toi, comment? Pense à moi, la raison que tu as le courage à confronter tes craintes. Écoute baby, life is si dur. Dois avoir un cœur comme un mur. Pas de sentiments, pas de confiance. Si tu veux vivre une vie heureuse, d'être mystérieuse et curieuse. Baby, chance comme une lettre d'amour. Mais là, dans ton cœur, pour toujours. You know, dans ce que je serai, yeah. Musicien, dis-y. Parce que je te dis, parce que je chante. Car je veux seulement ton bonheur pour avoir un monde meilleur. Parce que je te dis, parce que je chante. Car je veux seulement ton bonheur pour avoir un monde meilleur. Ne pleure pas baby girl, ne perds pas l'espoir. Sweet et l'âme, il y a toujours une deuxième chance. Pense à toi, comment? Pense à moi, la raison que tu as le courage à confronter tes craintes. Ne pleure pas baby girl, ne perds pas l'espoir. Sweet et l'arme, il y a toujours une deuxième chance. Pense à toi, comment? Pense à moi, la raison que tu as le courage à confronter tes craintes. I wanna be with my love to wait is the wisdom to courage to confront fees. Reason to rap in use is as be firmer. I don't care what's my use and what is mine. So when I shine, you shine. Don't let me confuse sane and bad news. And need you my life, you're too much to lose. Ne pleure pas baby girl, ne perds pas l'espoir. Sweet et l'âme, il y a toujours une deuxième chance. Pense à toi, comment? Pense à moi, la raison que tu as le courage à confronter tes craintes. Ne pleure pas baby girl, ne perds pas l'espoir. Sweet et l'âme, il y a toujours une deuxième chance. Pense à toi, comment? Pense à moi, la raison que tu as le courage à confronter tes craintes. Sami mzien al-habiba, ma tkhlish masafna ba'ida. Khalli hayatna tkoun sa'ida, tchali ya qalbna kbida. Ghni maya, raddi wraya. Ghni maya, raddi wraya. Ha ha ha ha.